pourquoi ça marche plus là? Je sais pas ce que j'ai encore fait. Attends, j'espère que la batterie. Que la guitare. Ça monte à moins 12 là. Combien, tu vois? Pourtant, il marque moins 12, lui. Ouais, même pas. Je comprends rien du tout. Attends, alors, ok. Putain, tu vois? Ok, là je suis trop fort. Ah, ça marche pas, putain. Moins 18. Ah, putain, moi il me dit moins 12, j'ai peur. Moins 17. Là, je suis à moins 18. Alors, attends. Là, je suis à moins 20. J'avais rien touché pourtant. C'est à moins 19. Attends, je vais muter, mais c'est chiant.